J'contrôle la zone charo. Nous on trace pas, y'a pas de tarot. T'es dans la B ou t'es dans la C? Calme-toi, pourquoi t'es angoissé? Un noir qui zen, c'est le bilan AC. Même un million, Igo c'est pas assez. Chantier du coq, pas de la B. Jess, Charlie Day. Mes gros, trop frais, quand elle me voit, Jess, elle veut le mon ping. On garde à vous, tout le monde debout. J't'accoste ton boubou. Dame le knock, j'ai pas percé, j'suis dans le bloc. Comment on va faire? On va régler ton affaire. Hustle. Fuck les menaces, tout l'électronique, Igo, pas besoin de bracelet. Poussions et drogue, le chétan nous tourne autour. J'suis posté dans le bloc, avec millions, ça criquette dans le four. On est bon qu'à ça, trafic de tube, on est bon qu'à ça. Nous envoyons car plat, ces fils de pute savent que faire ça. Igo c'est comment, ainsi c'est comment, faut payer l'avocat. Comment faut voyer les mandats? Ton poteau peut donner au condé comme si tu es ce fils de pute. Tu fais la meuf vierge, elle est Zarma, t'es anti-pute. Mais tout le monde te connaît, tout le monde t'a tourné, tout le monde t'a baisé. Tu regrettes ton passé, tu veux te poser, tu veux te marier. Arrête ta comédie, ce bitch, on sait que tu peux. Corrosif, vas-y, sors le pépo. Mes gars sont trop méchants. Tu sais, Igo y'a rien à faire. Coûte que coûte, on est charognard. Réussir pour vivre, né pour charbonner. Wesh, hey, ça va ou ça vend? Faut faire du zingue, hey ma gueule, tu stack ou t'avances? J't'accoste ton survêt, j't'accoste ton survêt. J't'accoste ton survêt, j't'accoste ton survêt. J't'accoste ton survêt, j't'accoste ton survêt. J't'accoste ton survêt, j't'accoste ton survêt. Gros c'est le hella, gentil du coq c'est le hella. Y'a mon robe dans le coin, y'a mes négros et c'est Chaga. Parlez de nous, face au sait que vous êtes fâchés. Faut des gros chèques, parce que le game il est fâché. Oui j'connais la rue, j'connais le vice de l'argent. J'ai tourné, j'ai tourné, j'ai gagné, j'ai perdu. Oh putain de merde, j'ai trop de soucis en wham. Mais gros j'baisse pas la teuté. Tes négros se disent côté, mais faut bluffer les petits du quartier. C'est la panique à bord, c'est la panique à bord, c'est la panique à bord. Chaque cause ta mère, j'ai deux jambes. J'ai la geste dans le décor. Mes charros au quartier, Igo, c'est moi le charro. J'tweet pas bitch, tu veux follow, Diabo, Delo. Bitch, juste mets-vous dans le bas du bassin que ma tour. Mon flow se dédouble et tiens les bêtes tournent autour. J'reviens dans le game, c'est pas cool, les MC s'essoufflent. Ils trappent pas ma bourde, un flow tard les ouf qui ambiance les foules. Ça tourne sur Facebook quand on joue dans le hood. Tu veux le rap de la street, file-moi un bon beat. Le rap ça rapporte moins que le cric à Long Beach. J'arrête de sang, descend, la street est à l'échange. J'rappe pas pour ceux qui te suivent pas en descente. J'kick c'est pas récent et ta côte va descendre. J'te nique ta rage, j'attends pas qu'on soit de sang. Comme diraient les petits, c'est chantier babille. Tu peux voir dans les clips là où t'as papier. Laisse pas ton cosse là, c'est des sèches ta cosse ton cosse là. Vrai charo traite pas en costa. Vrai charo traite pas en costa. Tu sais, Igo y'a rien à faire. Coûte que coûte, on est charognard. Réussir pour vivre, né pour charbonner. Wesh, hey, ça va ou ça vend? Faut faire du zingue, hey, ma